37. Les bienfaits de la lune. La lune, quelle caprice même, regarda par la fenêtre pendant que tu dormais dans ton berceau et se dit « Cet enfant me plaît ». Elle descendit mauleusement son escalier de nuages et passa sans bruit à travers les vitres. Puis elle s'étendit sur toi avec la tendresse souple d'une mère et elle déposa ses couleurs sur ta face. Tes prunelles en sont restées vertes et tes joues extraordinairement pâles. C'est en contemplant cette visiteuse que tes yeux se sont si bizarrement agrandis. Et elle t'a si tendrement serré à la gorge que tu en as gardé pour toujours l'envie de pleurer. Cependant, dans l'expansion de sa joie, la lune remplissait toute la chambre comme une atmosphère phosphorique, comme un poison lumineux. Et toute cette lumière vivante pensait et disait « Tu subiras éternellement l'influence de mon baiser. Tu seras belle à ma manière. » Tu aimeras ce que j'aime et ce qui m'aime, l'eau, les nuages, le silence et la nuit, la mer immense et verte, l'eau informe et multiforme, le lieu où tu ne seras pas, l'amant que tu ne connaîtras pas, les fleurs monstrueuses, les parfums qui font délirer, les chats qui se pâment sur les pianos et qui gémissent comme les femmes, d'une voix rauque et douce. Et tu seras aimé de mes amants, courtisé par mes courtisans. Tu seras la reine des hommes aux yeux verts dont je serrai aussi la gorge dans mes caresses nocturnes. De ceux-là qui aiment la mer immense, tumultueuse et verte, l'eau informe et multiforme, le lieu où ils ne sont pas, la femme qu'ils ne connaissent pas, les fleurs sinistres qui ressemblent aux encensoirs d'une religion inconnue, les parfums qui troublent la volonté, et les animaux sauvages et voluptueux qui sont les emblèmes de la folie. Et c'est pour cela, maudite chère enfant gâtée, que je suis maintenant couché à tes pieds, cherchant dans toute ta personne le reflet de la redoutable divinité, de la fatidique marraine, de la nourrice empoisonneuse de tout le lunatique. »